Bonjour monsieur, je vous téléphone à propos d'une annonce que j'ai vue dans le journal. Vous pouvez me décrire un peu la maison que vous louez? Oui, c'est une jolie maison ancienne avec un petit jardin. Il y a 3 chambres, une salle de séjour, 2 salles de bain avec WC et une cuisine. La cuisine est équipée? Oui, il y a une cuisinière électrique avec un four, un réfrigérateur naturellement, un four à micro-ondes. La maison fait combien de mètres carrés? Environ 90 mètres carrés. Et pour le linge de maison, est-ce qu'il y a des draps? Non, vous devez en apporter ou en louer. Il y a un lave-linge? Oui, il y en a un dans la cuisine.